Dans ce septième épisode, retrouvez 10 méthodes que les magasins utilisent pour nous faire dépenser plus. Bienvenue dans le podcast du blog moptimize.com. Je vais vous parler de life hacking, de développement personnel, de développement professionnel et de tech. Bonjour à tous et merci de m'écouter pour ce nouvel épisode du podcast Moptimize. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de courses et ça fera plaisir à mes amis du podcast Nipsites. Ici, il s'agit d'un article de Lifehacker en anglais sur 10 méthodes qu'utilisent les magasins pour nous inciter à dépenser plus. La première, c'est l'organisation du magasin. Idéalement, il faut nous faire traverser tout le magasin. Ça augmente les chances qu'on soit tenté par un article qu'on n'avait pas prévu d'acheter. Et ça, typiquement, c'est le cas chez IKEA. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais IKEA, on rentre. En général, on va à l'étage du magasin, dans la quasi-majorité des magasins IKEA que j'ai pu visiter, même dans différents pays. On doit traverser avec un joli zigzag toute la partie exposition, les différents éléments de la maison, la cuisine, la salle de bain, le salon, la salle à manger, voilà, tout ça. Avant d'accéder au rez-de-chaussée ou la partie en sous-sol, dans laquelle on va avoir les articles qu'on peut acheter, parce qu'avant, souvent, c'était une partie vraiment exposition. Et même dans cette partie où on peut acheter des éléments, on a encore tout un circuit à faire, où on a beaucoup de têtes de gondole, beaucoup de choses qui pourraient nous intéresser, hein, des verres pas chers, un tapis pour la salle de bain, etc. Avant d'arriver dans la partie stock, où il faut réussir à trouver l'allée, l'étagère sur lequel se trouve le meuble, le carton du meuble qu'on est venu acheter, et même dans cette partie-là, on vous représente encore certains produits qui pourraient nous convenir. Donc il n'y a pas que IKEA, beaucoup d'autres magasins d'ameublement ont suivi un petit peu cette mode IKEA, mais c'est également valable dans les supermarchés. Typiquement dans les supermarchés, au fin fond des supermarchés, on va avoir des choses comme de l'eau, du riz et des pâtes, les sodas, qui sont des choses que les gens viennent acheter quasiment à chaque visite. Et donc c'est situé au fond du magasin pour être sûr que vous passiez devant tous les autres rayons pour avoir plus de chances de vous faire dépenser votre argent. Le deuxième point, c'est de faire goûter des produits. Faire goûter des produits, ça peut nous convaincre d'acheter, si on aime le produit. Ça ouvre l'appétit et un acheteur qui a faim est un acheteur qui va acheter de la nourriture derrière. On achète plus quand on a faim que quand on a mangé. Donc un conseil, c'est ayez mangé quelque chose avant d'aller faire vos courses et vous verrez, vous allez dépenser moins en nourriture. Un des autres éléments avec goûter les produits, c'est que dans un petit coin de notre tête, on se sent redevable de la personne qui a pris le temps de nous faire goûter. Donc ça va nous inciter à lui acheter ce qu'elle nous a proposé. Le troisième point, c'est être serviable. Ça, c'est typiquement le cas dans les Apple Store. Dans certains produits de luxe, on a des employés qui nous accueillent à l'entrée du magasin, qui sont disponibles pour répondre à nos questions, qui vont nous faire essayer le produit, qui vont nous faire tester, qui vont même assurer le support après-vente. Et donc là, on est typiquement sur un système où on a plus que du support client. C'est un moyen de vous tenter, voire de vous sentir obligé d'acheter, parce que de la même façon, il y a quelqu'un qui a pris le temps de s'occuper de vous, de vous faire sentir unique et important, et donc vous aurez envie d'acheter le produit. Le point suivant, c'est de nous encourager à nous arrêter. La constatation, c'est que si on est en mouvement, c'est pas facile de mettre des articles dans le caddie. Donc le but, c'est de nous faire nous arrêter le plus souvent possible. Pour ça, on peut avoir des choses qui sont au milieu des allées, donc on est obligé de laisser passer d'autres clients parce que les allées sont pas assez larges ou qu'il y a quelque chose. Donc on s'arrête et donc on peut tourner la tête, voir ce qu'il y a autour de nous et être tenté. Même chose quand il y a une promo qui est bien mise en avant, on a envie de s'arrêter devant, vérifier les conditions, vérifier les prix, est-ce qu'on en a besoin. Voilà, même chose avec des personnes qui vous font goûter les produits, on en a déjà parlé, mais ça vous oblige aussi à vous arrêter. Et de la même façon, le moindre engorgement, typiquement c'est le cas aux caisses, donc c'est pareil, c'est le moyen de nous faire prendre conscience qu'il y a des produits autour de nous et qui peuvent nous tenter. Le point suivant, c'est d'attirer l'attention avec les produits en bout de gondole ou à l'entrée du rayon. Typiquement, le produit que l'on vient acheter est situé au milieu du rayon. Donc on est obligé de passer devant une des têtes de gondole, on est obligé de passer devant la première moitié du rayon, au moins une fois, si ce n'est une seconde, selon par quel côté du rayon on ressort, mais sinon on peut voir le reste des produits. Et donc bah, plus on passe devant des produits, plus on a de chances d'être attiré et d'être intéressé. Ensuite, on a la position des produits sur le rayonnage et le fait de capter le regard. Dans les rayons, on peut avoir un mélange de produits chers et pas chers qui sont côte à côte. Donc on va prendre le produit moins cher, éventuellement, s'il nous plaît, en se disant qu'on a fait une bonne affaire, alors que si ça se trouve, il y en avait encore un moins cher, mais qui est un petit peu plus loin dans le rayon, qui est caché, qui est placé ou tout en bas ou tout en haut. Parce que de la même façon, la hauteur des produits a un impact. Typiquement, un produit qui est à hauteur de nos yeux va être un produit qu'on va voir plus facilement. De la même façon pour les enfants, il peut y avoir certains produits qui sont placés justement plus à hauteur d'enfants pour les inciter à les voir et à vous les demander. Donc soyez-en conscients et regardez un petit peu les produits, la façon dont tout ça est agencé. L'élément suivant, c'est la musique et les odeurs. Pour ce qui est de la musique, dans un magasin, on a tendance à suivre le tempo de la musique. Donc s'il y a une musique qui est rapide, on va avoir tendance à aller assez vite dans le magasin et dans les rayons, alors qu'une musique plus lente nous incitera à prendre notre temps. Donc, dans les magasins, en général, on a plutôt des musiques lentes. Ça incite à prendre le temps, à traverser le magasin et donc à acheter plus de choses. De la même façon, les odeurs aident à s'imprégner du rayon dans lequel on se trouve. Dans un rayon bébé, on va avoir une bonne petite odeur de produits pour bébé, pour les fesses, assez agréable. Et dans la partie nourriture, on va avoir des bonnes odeurs de nourriture qui va donner faim et toujours, comme je l'ai déjà dit, va nous inciter à acheter plus de nourriture. L'avant-dernier point, c'est la taille du caddie. La taille du caddie ne reflète pas toujours la taille de notre coffre, surtout si on a une Twingo ou une Smart. Et un caddie, tant qu'il reste de la place, on est tenté de le remplir. On se dit, je peux peut-être prendre ça, j'ai encore de la place là dans mon caddie, et voilà. Et ce qui est assez intéressant, et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on a tendance à remplir le caddie, à faire les premiers rayons, à arriver dans la nourriture, là déjà le caddie il est à moitié rempli, on met à manger, et puis quand on arrive à la fin des rayons, ou quand on a besoin de prendre le pack de coca, le pack d'eau et les choses comme ça, il n'y a plus trop de place dans le caddie. Heureusement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les caddies récents, il y a un petit tiroir devant, en dessous, qu'on peut tirer, sur lequel on peut placer les packs d'eau. Comme ça, vous avez bien rempli votre caddie pendant tout le trajet dans le magasin. Et il vous reste quand même un petit peu de place quelque part dans le caddie pour pouvoir mettre l'eau, les sodas, les bouteilles et les choses comme ça. Voilà, et le dernier point, c'est ce qu'ils appellent accessoiriser. Typiquement, quand vous allez acheter quelque chose, on va vous proposer un produit complémentaire ou un produit qui va avec. Si vous achetez une TV, une télévision, on va vous proposer un lecteur DVD ou un lecteur Blu-ray en plus pour pas cher. De toute façon, vous avez déjà tellement dépensé pour acheter une télé que 50€ en plus pour acheter un lecteur Blu-ray, c'est vraiment rien du tout. De la même façon, quand vous achetez un téléphone, on va vous proposer des câbles supplémentaires, une station d'accueil, des écouteurs, des coques de protection, en plus du téléphone que vous avez acheté. De la même façon, pour tout ce qui est électronique, électroménager, on va vous proposer des garanties supplémentaires. En plus du produit, c'est quelque chose que vous aviez pas forcément budgété, mais bon, vous savez, c'est un produit, il tombe pas beaucoup en panne, mais bon, s'il tombe en panne là dans les 15 prochains jours, vous serez un peu embêté, il faut le ramener en magasin, c'est compliqué, il faut vérifier que ça fonctionne, on le retourne chez le fabricant, donc vous en avez plus le temps que ça se passe, etc. Donc prenez la garantie chez nous qui coûte un petit peu plus cher et on vous fait l'échange dans les 3 jours après nous avoir appelé. Voilà, donc comme ça vous dépensez plus dans ce magasin. Voilà, donc voilà les 10 manières de nous faire dépenser plus. Donc on a l'organisation du magasin, nous faire goûter les produits, être serviable, nous encourager à nous arrêter, attirer l'attention avec des produits, en bout de gondole ou en entrée de rayon, la position des produits sur le rayonnage et le fait de capter notre regard, la musique et les odeurs, la taille du caddie et accessoiriser nos achats. Voilà, c'est fini pour cet épisode, donc n'hésitez pas à commenter l'article, à nous dire si vous connaissez d'autres techniques pour nous faire dépenser plus dans les magasins. Et pour ça, vous pouvez aller sur le blog moptimize.com, sur le billet en bas de cette émission, ou sur Twitter @moptimize.com. À bientôt !